allez, on va y aller. S'il vous plaît. Alors là, je ne peux pas prier. Ça, je ne peux pas. Et en plus, ma voix ne porte pas très, très loin. Donc, vous êtes prié de descendre un peu. Bien. Alors, nous allons avoir un cours concernant la tuberculose pulmonaire. C'est un cours, logiquement, qui est long, parce que en fonction du titre, de la suspicion à la guérison. De la suspicion à la guérison, cela suppose que vous êtes capable de poser le diagnostic de tuberculose et de traiter votre malade. Et c'est tout ça, tout ce processus que nous allons voir ensemble. Alors, nous allons dérouler le cours sous forme de... Il y a un seul QCM, et là, nous allons voir au fur et à mesure les étapes, les différentes étapes du cours. Donc, vous avez un malade qui est âgé de 43 ans. Père, alors ça, c'est des... QCM quand même fréquent pour le résidana. Alors, c'est un patient âgé de 43 ans, père d'un enfant de 6 ans et suivi pour diabète type 2. Sous hypoglycémie en oraux et qui présente depuis plus de 3 semaines un syndrome fébrile, une toux productive mucopurulente et un amaigrissement de 5 kg. Il rapporte la notion de prise d'antibiotiques, amoxicilline 2 g par jour pendant 7 jours. Aucune amélioration clinique n'a été constatée selon le malade. L'examen physique montre un patient en bon état général qui pèse 59 kg, une taille d'1,70 m, une température à 38,7, une fréquence cardiaque à 100 battements par minute, une fréquence respiratoire à 20 cycles par minute, une tension artérielle à 150 mm de mercure et l'examen pulmonaire est sans anomalie. C'est-à-dire que là, vous avez un malade qui a 46 ans, qui est quand même relativement jeune, qui tousse depuis déjà quelques jours. Ce malade a déjà reçu des antibiotiques. Il n'a aucun antécédent en dehors d'un diabète, il a reçu des antibiotiques et ça n'a rien donné. Alors, à votre avis, qu'est-ce que vous devez faire chez ce malade qui vient vous voir en consultation? Bien sûr. Devant toute manifestation respiratoire, au-delà de 15-21 jours, vous devez demander une radiographie du thorax. Chez ce malade, voici la radiographie du thorax. Alors, qui est-ce qui peut l'interpréter? Allez. Elle est normale. Ah. Vous avez, au niveau de la région sous-claviculaire droite, une très belle clarté entourée d'une paroi épaisse avec de multiples nodules péricavitaires. C'est clair que cette radiographie du thorax montre une caverne au niveau de la région sous-claviculaire. Vous évoquez quel diagnostic chez votre malade ? Argumenté. Tuberculose pulmonaire. Oui. Signe d'imprégnation. Qu'est-ce que ça veut dire, signe d'imprégnation ? On ne parle pas de signe d'imprégnation. Hein. Ça ne veut rien dire, signe d'imprégnation. D'accord ? Alors, bien sûr, vous avez raison quand vous avez parlé de tuberculose pulmonaire. Mais attention, là, ça reste toujours un cas suspect de tuberculose pulmonaire. Nous n'avons parlé que de suspicion de tuberculose pulmonaire. Il faut savoir que la tuberculose pulmonaire est la plus fréquente des localisations de la maladie tuberculeuse. J'aimerais dire oui, dans le monde. Hein. C'est vrai, pourquoi dans le monde ? Parce que si vous prenez les pays comme l'Asie, les pays comme l'Afrique, les pays, l'Amérique du Sud, oui, la tuberculose pulmonaire est un problème de santé publique. C'est même un problème qui pose de gros soucis à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Mais j'aimerais dire aussi qu'elle était fréquente en Algérie, mais ce n'est plus la plus fréquente en Algérie, puisque la tuberculose extra-pulmonaire est actuellement la plus fréquente en Algérie. L'incidence de la tuberculose extra-pulmonaire dépasse l'incidence de la tuberculose pulmonaire en Algérie. Je parle actuellement. Cependant, la tuberculose pulmonaire reste la plus dangereuse. C'est la plus dangereuse parce que c'est une forme contagieuse. C'est une source d'infection et à l'origine de la transmission interhumaine. Donc, vous avez compris que si on ne traite pas la tuberculose pulmonaire, eh bien, elle sera constamment transmise à d'autres personnes. C'est une maladie de l'adulte jeune, en pleine phase d'activité, d'où les conséquences sociales, économiques, familiales, etc. Actuellement, elle est la moins fréquente des maladies respiratoires avec lesquelles elle peut être confondue. Et c'est vrai, c'est les infections respiratoires aiguës. 80% des maladies respiratoires chroniques, dont l'asthme, BPCO, à elle seule, elle représente également 16 à 19%. Pourquoi on dit qu'elle se confond ? Bien sûr, parce que dans la majorité, vous allez voir les signes de présomption et non pas les signes d'imprégnation. Ce sont des signes qui sont non spécifiques et que l'on voit en cas d'infection respiratoire aiguë. C'est la toux, c'est l'expectoration, ça peut être une toux sèche, ça peut être un amaigrissement associé à un amaigrissement. Donc, ça peut être tout à fait, elle peut être confondue dans un premier temps avec un tableau d'infection respiratoire aiguë. Alors, finalement, comment on suspecte un cas de tuberculose ? La suspicion est d'abord clinique. Vous avez une toux, une expectoration purulente ou hémoptoïque durant plus de 2 semaines, avec des signes généraux, asthénie, amaigrissement, fièvre, vespérale modérée et sueur nocturne. Ce qui est sûr, c'est que la toux et l'expectoration purulente avec des signes généraux ne sont pas des signes spécifiques. On peut les retrouver dans n'importe quelle affection respiratoire. La toux, l'expectoration, ça peut être dans les dilatations de bronches, la toux sèche dans l'asthme bronchique, la toux avec expectoration dans la bronchite. Les signes également généraux ne sont pas spécifiques, on peut les retrouver dans les infections respiratoires aiguës, mais il y a un signe qui alarme et le médecin et le malade, c'est bien sûr l'hémoptysie. À chaque fois qu'il y a des crachats hémoptoïques, là, le médecin s'alarme, il demande systématiquement la radiographie, et le malade, quand il crache du sang, là également, il est inquiet et automatiquement, il n'a même pas, parfois, c'est lui-même qui demande au médecin, vous me prescrivez, je veux faire une radiographie du thorax. Alors, devant ces signes, qui persiste au-delà de 15 jours, vous devez demander une radiographie du thorax. La radiographie du thorax, là également, elle va vous montrer des signes de présomption. Ce n'est pas des critères de certitude. Alors, quelles sont les images compatibles avec une tuberculose ? Je pense que vous les connaissez, ou du moins vous avez vu pas mal de clichés en rapport avec la tuberculose, mais souvent, c'est des opacités circonscrites, ce sont des opacités de taille variable, ça peut être des nodules, qui peuvent aller de 3 à 10 mm de diamètre, ça peut être des micronodules inférieurs à 3 mm de diamètre, ça peut être des opacités en nappe. Ça peut être des opacités ou des petites opacités confluentes, et ces opacités confluentes vont donner des nappes qui vont se creuser. Il y a une perte de substance et donc vous allez avoir formation d'une cavité. C'est ce qu'on appelle une caverne tuberculeuse. Parfois, vous avez, même à la radio, on peut voir des bronches de drainage. Ces images succèdent dans le temps et peuvent s'associer après destruction importante du parenchyme pulmonaire avec apparition de signes de fibrose rétractile, déformation d'huile, des coupoles diaphragmatiques, pincement des espaces intercostaux. Alors que en réalité, c'est des images soit nodulaires, soit micronodulaires. Ce sont des opacités qui vont confluer et qui vont... il y aura une perte de substance, une nécrose caséeuse, et vous allez avoir des cavernes. Ces cavernes vont avoir tendance à confluer et vous allez avoir des destructions du parenchyme pulmonaire, en sachant que la tuberculose pulmonaire détruit. Et si on ne traite pas, elle continuera à détruire pratiquement l'ensemble de l'hémithorax. Et comme dans les processus de destruction, vous avez des réparations, vous allez avoir des lésions cicatricielles, rétractiles, et qui va aboutir à quoi ? À un fibrothorax, si le malade n'est pas traité. Ce fibrothorax sera source d'insuffisance respiratoire chronique. Alors rapidement, vous allez voir certaines. Ça, c'est une caverne. Tout à l'heure, nous allons parler d'aspects évocateurs de tuberculose. Une caverne est un aspect évocateur. C'est-à-dire, quand vous avez une caverne comme ça, c'est difficile d'évoquer un autre diagnostic que celui d'une tuberculose pulmonaire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les lésions de tuberculose prédominent au niveau des sommets, là où il y a les plus ventilés, là où il y a le plus d'oxygène. Vous avez les sommets, mais vous avez également les lobes supérieurs, les segments supérieurs des lobes inférieurs, notamment le fouleur. D'accord ? Alors, celui-là, vous avez un autre aspect évocateur de tuberculose pulmonaire avec une opacité dans la région sous-claviculaire et un niveau horizontal qui témoigne d'une cavité dans le parenchyme pulmonaire. Et là, vous avez également des lésions nodulaires. Hein. C'est le propre de la tuberculose où on a des cavernes avec des lésions nodulaires, péricavitaires. Là également, vous avez une très belle image d'une clarté entourée d'une paroi épaisse au niveau de la région axillaire, interilo-axillaire. Et là, si vous pouvez remarquer, vous avez un petit... Vous avez une très très belle branche de drainage, c'est ce qu'on appelle une image en raquette. Vous avez également, à côté des images de cavernes, de lésions nodulaires, de tuberculose pulmonaire isolée, vous pouvez avoir une association avec l'atteinte de la plèvre. Et là, vous avez une image, une opacité dense de la base qui comble le cul-de-sac costo-diaphragmatique gauche et qui comble l'angle cardio-frémir et qui efface la coupole diaphragmatique. Vous l'avez compris, c'est un épanchement liquidien. Quand on a une opacité, une caverne avec un épanchement liquidien, on doit être uniciste et on évoque plus une tuberculose pulmonaire et pleurale. Vous avez un autre aspect de la tuberculose. Regardez, je vous ai dit que les images, les lésions sont confluentes. Et également, en haut, vous avez une destruction du parenchyme, du lobe supérieur qui commence. Et vous allez avoir... Les deux cavités qui vont encore confluer et vous allez, au fur et à mesure, il y aura une destruction et on aura ce qu'on appelle un évidement. Un évidement, c'est la destruction du poumon et ce qui est détruit ne peut pas être réparé sur le plan parenchyme. D'accord ? Donc le malade, même lorsqu'il guérira, ce type de malade gardera des séquelles au niveau du poumon. Là par contre, vous avez des micronodules qui sont répartis au niveau des deux champs pulmonaires, plus particulièrement à droite, et ça détermine quel type d'image de miliaire pulmonaire. Sauf que, est-ce que c'est tuberculeux ou pas? Ça peut être une autre cause dans la miliaire. Quels sont les trois diagnostics de miliaire? Staph? Oui? Staph, carcinose, lymphangite carcinomateuse et... et tuberculose. Et encore, hein, ça c'est juste ce qu'on vous dit en S2, mais c'est toute la pneumo, les miliaires tuberculeuses. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que sur cette image radiologique, j'ai le diagnostic. Ce n'est pas une staphylococcie et ce n'est pas une lymphangite carcinomateuse. C'est très probablement aspect évocateur d'une miliaire tuberculeuse. Pourquoi? Parce que dans la région sous-claviculaire externe gauche, vous avez une caverne. On voit une caverne et à ce moment-là, si vous avez une caverne avec des lésions de miliaire, on parle de miliaire bronchogène. Et dans la miliaire bronchogène, bien sûr, les BK seront positifs et c'est tuberculeux. Chez notre malade, rappelez-vous de ce que vous avez enregistré, les éléments ? Non. Et il fallait, parce que durant tout le cours, on reviendra à notre malade. D'accord ? Alors, rapidement, vous essayez de mémoriser les... reprenez rapidement les éléments cliniques que vous avez chez ce malade. Alors, quel examen allez-vous demander en priorité ? Recherche de germes banaux dans les crachats, FNS, glycémie à jeun, IDR à la tuberculine, recherche de BK à l'examen direct des crachats. Deux propositions. La D. La D, c'est une IDR à la tuberculose, à la tuberculine, recherche de BK dans les crachats. Vous êtes d'accord ? Qui a répondu D ? Allez. 0. Vous allez avoir 0 à votre QCM à l'examen de résidana. Parce que ce n'est pas la bonne réponse. C'est la C. Tout à fait, c'est la C. Le malade, il a de la fièvre. D'accord ? Et le malade présente une caverne. Il a une cavité et le malade, vous devez lui faire... Vous rappelez le cliché ? Et la glycémie à jeun ? Vous la faites ou pas ? Voilà, très bien. Et c'est là le piège dans les examens pour les QCM. Je parle de pneumo. Hein? Oui. Attention, vous allez avoir des QCM justes. Hein? Parfois, les étudiants me disent, oui, mais madame, ils sont tous justes. Oui, ils sont tous justes. Mais quelle est la priorité ? Hein? La priorité pour le diagnostic. Est-ce que vous comprenez ? Ça ne veut pas dire que la glycémie, c'est faux. Vous devez la faire. D'accord ? Eh bien, la formule numération sanguine chez votre malade est de 10 000 blancs, 75% de polynucléaires, 20% de lymphocytes, etc. Hémoglobine, 11 grammes par décilitre, plaquettes, 250 000. Glycémie à jeun, 2,5 grammes par litre. L'examen direct des crachats, premier examen, premier frottis négatif. Qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, vous avez encore un autre zéro au QCM. L'examen bactériologique de certitude en matière de tuberculose pulmonaire, c'est la recherche de BK à la microscopie directe. Un. Deuxièmement, la culture. En ce qui concerne la recherche de BK dans l'expectoration, il faut savoir que vous allez avoir des malades qui toussent et qui crachent avec expectoration, avec des lésions radiologiques. Il faut savoir que le diagnostic de tuberculose pulmonaire est posé dans 80% des cas par la microscopie positive. Il n'y a pas de raison pour ne pas trouver des BK dans les crachats. Vous devez prélever 3 échantillons en 2 jours pour tout malade suspect ou présumé. Le malade, quand il vient, il doit cracher. Vous l'envoyez chez le microscopiste, il va cracher et le microscopiste va garder le boîtier. Il vous dira demain matin, vous revenez avec vous revenez et vous me ramenez le deuxième boîtier parce que vous allez lui donner une boîte à la maison, il va cracher. Et le matin, vous avez donc deux. Et le matin, quand il viendra remettre le boîtier, il va encore cracher une troisième fois et vous aurez trois échantillons en deux jours chez tous les malades présumés ou suspects de tuberculose. Si les deux premiers échantillons recueillis, l'un sur place, l'autre le matin ou au réveil, sont positifs, c'est pas la peine de faire le troisième. Si on a deux BK positifs, bon, le microscopiste, vous n'allez pas l'inonder avec les prélèvements. Par contre, s'ils sont négatifs, vous êtes obligé de faire les trois échantillons de crachat. Si les trois échantillons sont négatifs, il faut faire un ensemencement pour la culture. En l'absence de laboratoire de culture accessible, répétez les examens en microscopie en recueillant deux échantillons supplémentaires à J14 et deux autres au besoin à J28. Et malheureusement, vous allez exercer pour ceux qui seront à l'intérieur du pays où vous n'allez pas avoir systématiquement les cultures. Et à ce moment-là, vous devez quand même poser le diagnostic et donc refaire les échantillons de crachat. Voici à l'examen direct et à la coloration de Zill Nelson les BK que l'on voit sous forme de petits bâtonnets roses, hein, et le microscopiste va compter les BK qu'il voit dans chaque champ. Et en fonction du nombre, vous allez avoir 10 barres par champ. 10 barres par champ, c'est énorme, hein? Et le microscopiste doit faire 100 champs et 300 champs. Si dans les 100 champs, il trouve qu'il y a suffisamment de BK, c'est riche, il s'arrêtera. Maintenant, si c'est pauvre, il est obligé de faire les 300 champs. Le deuxième examen de certitude à côté de la microscopie, c'est la culture. La culture est positive dans 100% des cas. On a un gain de 15 à 25% par rapport à la microscopie. Sauf que le problème, c'est que les résultats sont tardifs et parfois, dans certains cas, on ne peut pas attendre quand même 28-42e jour pour mettre le malade sous traitement. Mais là, c'est des cas exceptionnels, d'accord ? À faire d'emblée, la culture est à faire d'emblée si les trois échantillons de crachat sont négatifs et que l'on constate des signes de forte présomption, à répéter à chaque échéance ultérieure, J14 et J28, si la microscopie est négative et s'il persiste des signes de présomption et si l'on a éliminé d'autres causes, c'est-à-dire les dilatations de bronches, l'asthme, etc. Je m'explique ici, ça s'adresse surtout aux malades qui ont des lésions radiologiques et on ne sait pas très bien, ce n'est pas toujours des cavernes que vous allez avoir, hein. Et là, on ne sait pas très bien si c'est tuberculeux, si c'est une autre pathologie. À ce moment-là, on demande, on fait la recherche de BK dans les crachats, les BK sont négatifs. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est une tuberculose ou pas ? À ce moment-là, on met en culture et dans certains cas, on répète les examens de crachat pour avoir le diagnostic. Vous ne devez plus traiter sans preuve bactériologique. Est-ce que vous comprenez ? Ça nous a amené à des catastrophes. Lorsque vous traitez sans preuve, dans 80% des cas, 85, une tuberculose, c'est BK+. Si vous ne trouvez pas, cela veut dire qu'il y a un problème, soit à votre niveau, parce que vous ne posez pas le diagnostic qu'il faut, soit au niveau du microscopiste, parce que vous l'avez inondé de faux malades. Vous avez vu le nombre d'infections respiratoires aiguës que vous allez avoir en consultation? Imaginez que vous envoyez tous ces malades chez le microscopiste et vous lui dites, vous me faites la recherche de Becca. À un moment donné, il aura 5, 10, 15, 20 malades négatifs, négatifs, négatifs. Eh bien, qu'est-ce qu'il fera? Le 25e, qui est peut-être une tuberculose, il vous répondra négatif parce qu'il ne le fera même pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut poser la demande d'examen quand il faut et vous ne devez pas traiter si vous n'avez pas les BECA, une preuve bactériologique. Sinon, vous allez traiter les bronchites, vous allez traiter l'asthme, vous allez traiter... encore que ça, c'est grave. Parce que vous connaissez, puisque vous êtes déjà passé par la pneumo, les effets secondaires, mais c'est encore plus grave quand vous passerez à côté d'un cancer du poumon. D'accord? Et ce que je voulais vous dire, oui, on a fait une supervision, j'ai fait une supervision nationale, et c'est des médecins comme vous qui sont passés pour la tuberculose, et chez qui ils ont mis... puisque la tuberculose, vous le savez, vous devez enregistrer obligatoirement le cas et le statut bactériologique. Et ils nous ont mis TPM-. TPM-, cela veut dire négatif, microscopie négative. Et c'est moins, c'est non disponible, ça veut dire culture non disponible. On leur a dit, pourquoi vous avez mis ce malade sous traitement? Quelle était la réponse du médecin? Parce qu'il crache du sang. Est-ce que vous pensez que c'est une indication? L'hémoptysie isolée n'est pas... c'est pas un diagnostic pour mettre le traitement antituberculeux. Prouver qu'il s'agit d'une tuberculose, oui. S'il y a des lésions... de tuberculose et nous allons voir dans quel cas vous avez le droit de traiter. Mais une image, un malade qui fait des hémoptysies sur une image thoracique normale, au lieu de le traiter, vous devez plutôt l'envoyer faire une endoscopie bronchique de façon systématique. Voici la mise en culture du bacille sur milieu de Löwenstein-Johnson. Alors, c'est la gélose verte, et puis c'est des petits choux-fleurs en beige. C'est ça, les colonies de BECA. Quand on a ça sur le tube, eh bien, la culture est positive et on vous donnera les résultats selon le nombre de colonies. Une fois que vous avez posé votre diagnostic, vous avez demandé un examen bactériologique, soit à la microscopie, soit à la culture. Vous devez classer votre tuberculose en fonction de la bactériologie. Savoir est-ce que c'est une TPA microscopie positive, est-ce que c'est une tuberculose pulmonaire à microscopie négative. Parce que lorsque vous allez envoyer, enregistrer votre malade, vous devez enregistrer le statut bactériologique. Alors tous les malades que vous allez enregistrer, bien sûr, les résultats seront envoyés à l'INSP, l'Institut de Santé Publique, et au ministère de la Santé. Et si on voit que dans vos déclarations, il y a des problèmes, il y a beaucoup de TPM-, par exemple, eh bien, il y aura un superviseur qui viendra sur place et voir un peu ce que vous êtes en train de fabriquer et ce que vous êtes en train de faire. Alors, on appelle TPA microscopie positive tous les malades qui ont au moins 2 BK positifs, 2 frottis positifs. Vous avez également les malades qui ont un frottis positif et une culture positive. Également, c'est un cas à microscopie, c'est un TPM+. Vous avez un malade qui a également un examen positif associé à une lésion radiologique compatible avec le diagnostic de tuberculose active. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Tout simplement, un malade qui présente une image radiologique évocatrice de tuberculose. Et je vous ai montré une caverne, celle qu'on a vue au niveau du lobe supérieur, l'image en raquette. Là, c'est évident, c'est une tuberculose. Je n'ai pas un autre diagnostic. Là, si vous avez un seul frottis positif, vous êtes en droit de mettre TPM+. Par contre, un malade qui présente que des lésions nodulaires au niveau de, du lobe supérieur, est-ce qu'un seul BK me suffit? Non, il faudra au moins 2 frottis positifs. Est-ce que vous avez compris? Par contre, alors, vous, en tant que médecin généraliste, vous allez avoir affaire et à prendre en charge les TPM+, tous les malades qui relèvent de la microscopie négative doivent être orientés vers le pneumo. Mais si vous n'avez pas de pneumo, vous devez connaître les cas à microscopie négative pour que vous puissiez les prendre en charge et les mettre sous traitement. On parle de TPA microscopie négative, 3 microscopies négatives au moins et une culture positive. Là, c'est des malades qui on mettra TPM-, C+. C'est plus parce qu'une culture positive. Ou bien, vous avez encore 2 cas, 3 microscopies négatives et un contexte de milliaire aigu, soit 3 microscopies négatives avec opacité en arc non cavitaire ou pneumonie interstitielle chez un immunodéprimé, immunosuppresseur, insuffisance rénale hépatique, infection à VIH. Bon, je m'explique dans tout ça. Vous pouvez avoir, vous allez demander, vous avez 3 microscopies négatives et une culture positive, c'est bon. Le deuxième cas, en fait, depuis 2011, et vous l'avez sur le programme national, vous devez refaire 2 séries de 2 frottis à 3 semaines, 15 à 3 semaines d'intervalle. D'accord? Et à ce moment-là, on doit refaire également une radiographie du thorax à la fin des 21 jours. Si les BK sont négatifs, là, on considère que c'est une TPM-. Vous avez un autre cas, c'est la miliaire pulmonaire. Il faut savoir que la miliaire est un épocybacillaire. Pourquoi? Parce que ce sont des lésions fermées au niveau du parenchyme pulmonaire. Et la miliaire pulmonaire, les BK sont négatifs. Sauf si vous avez une caverne, auquel cas ce n'est plus une miliaire hématogène, mais ça devient une miliaire bronchogène. Et dans la miliaire bronchogène, les BK sont positifs. D'accord? Mais sinon, dans la miliaire, les BK sont négatifs. Et dans la miliaire est une urgence médicale. Vous ne pouvez pas attendre la culture. Et vous devez avoir un maximum d'éléments de présomption et d'orientation pour décider de la mise en route du traitement antituberculeux en urgence. Est-ce que c'est clair? Les souvenirs vous reviennent? Alors, la tuberculose de l'enfant, je n'en parle pas parce qu'on n'aura pas le temps de voir l'ensemble du cours, mais je n'en parle pas parce que vous avez un cours sur tuberculose de l'enfant dans le programme. Ah, si? Ah, on vous l'a enlevé? Habituellement, les autres promotions avaient la tuberculose de l'enfant. C'est bizarre. Alors, chez l'enfant, bon, ce que vous devez savoir, c'est que souvent en pédiatrie, alors vous avez le complexe, rapidement, hein, le complexe primaire qui témoigne d'une primo-infection. Le complexe primaire contient le chancre d'inoculation et l'adénopathie satellite. C'est une volumineuse adénopathie qui peut être, elle, l'adénopathie, elle peut être responsable d'un trouble de ventilation chez l'enfant par compression d'une bronche. Souvent en pédiatrie, la microscopie est négative ou non faite. Et là, on va se baser sur l'intradermoréaction à la tuberculine. Alors que, vous l'avez remarqué, chez l'adulte, on ne parle pas d'IDR quand on parle de tuberculose pulmonaire. L'IDR, vous l'utilisez pour les tuberculoses extra-pulmonaires comme un élément d'orientation. Alors, dans... chez le grand enfant, 10-14 ans, on peut avoir une TP cavitaire ou non cavitaire et à ce moment-là, on doit se baser sur les critères bactériologiques. Comme l'enfant ne crache pas, ou du moins c'est ce qui se dit, il a plus tendance à déglutir les sécrétions, on fait des tubages gastriques. Aussi bien chez l'enfant que chez la femme. Attention, quand vous avez une toux sèche, c'est pas la peine de refaire les BK, ils seront négatifs. À ce moment-là, vous devez redemander la recherche de BK dans les tubages gastriques. On doit faire 3 tubages. Et si les BK sont négatifs dans les tubages gastriques, on peut demander une fibroaspiration à la recherche de BK dans les sécrétions bronchiques. On va aller directement avec le fibroscope dans la bronche, par exemple si c'est au niveau du lobe supérieur, au niveau de la bronche lobaire supérieure, et on aspire et on fait la recherche de BK dans les sécrétions bronchiques et on peut même faire une culture, une mise en culture. Là, c'est surtout pour les malades qui ont une toux sèche. Généralement, c'est la femme. Quand elle ne crache pas, elle avale les sécrétions. Mais beaucoup de femmes crachent. Mais sachez que, en cas de toux sèche, vous devez faire la recherche dans les tubages. Une fois que vous avez... Alors, vous avez bien compris le cheminement. Signe de présomption... C'est clinique, le diagnostic de certitude est bactériologique à la microscopie directe et ou à la culture. À ce moment-là, vous devez établir le statut bactériologique du malade. Une fois que vous avez identifié le statut bactériologique du malade, vous devez réidentifier les cas que vous devez admettre au traitement et quel est leur statut. À ce moment-là, vous devez mettre un N pour tous les cas nouveaux. C'est les nouveaux cas. Et vous allez voir que le traitement chez ces malades dépendra de ce statut, du statut bactériologique et de ce statut spécifique. Nouveau cas, E, c'est échec au primo-traitement. R, rechute après du primo-traitement. RAI, c'est reprise évolutive de la tuberculose, et les cas chroniques. C'est quoi un échec au traitement? C'est un malade qui est sous traitement et qui a des BK positifs au 5e et 6e mois de traitement. Une rechute de tuberculose, c'est un malade qui a reçu 6 mois de traitement, qui a été déclaré guéri à la fin du traitement. C'est quoi guéri, la définition? C'est un malade qui a 2 BK négatifs. C'est ça la guérison. Attention, parce qu'on peut avoir un traitement complet et achevé, mais on n'a pas de statut bactériologique. Donc, un sujet guéri, c'est un malade qui a 2 BK négatifs à la fin du traitement. Et une rechute, c'est un malade qui a reçu 6 mois de traitement, qui est considéré comme guéri et qui revient soit au cours de l'année, soit dans les années qui suivent la fin du traitement et qui sont toujours positifs et qui sont une autre fois positifs. C'est ce qu'on appelle une rechute. Une reprise évolutive de la tuberculose après interruption prématurée du primo-traitement pendant 2 mois consécutifs. Un malade qui a pris un traitement antituberculeux et qui arrête son traitement pour une raison ou pour une autre 2 mois successifs, ce malade, vous le considérez comme reprise évolutive. C'est très important de faire cette différence. Un malade qui a commencé son traitement, qui a reçu 1 mois de traitement et qui arrête son traitement est considéré comme nouveau cas et non pas comme reprise évolutive. Est-ce que vous avez compris? Ah, ça c'est très très important, parce qu'après dans les régimes thérapeutiques, si vous mettez il a reprise évolutive, vous aurez tout faux. Un malade qui a pris, vous l'avez déclaré comme tuberculose pulmonaire, vous le mettez sous traitement, au bout de 15-21 jours, il a des effets secondaires importants, on a arrêté son traitement ou il a décidé d'arrêter le traitement. Il revient et puis peut-être il a disparu de la circulation ou bien peut-être on a arrêté le traitement pour des raisons d'effets secondaires des médicaments. Par la suite, les BK sont toujours positifs. Vous le mettez où? Vous dans les reprises évolutives ou jamais traitées? C'est un nouveau cas, donc vous le considérez comme jamais traité. Et si vous devez le reprendre le traitement, vous le reprenez à zéro. Et régime de première ligne. C'est très important cette différence. Est-ce que c'est clair? Et les malades qui ont reçu un traitement, je le mets sous traitement antituberculeux, il prend 1 mois, 2 mois, et on veut avoir un effet secondaire qui apparaît au bout du 3e mois. Le malade arrête son traitement et il ne revient pas vous voir. Souvent, c'est des malades qui ont des effets digestifs, il vomit beaucoup, ou bien parce qu'il se sent bien, il a pris du poids, il mange bien, il ne tousse plus. On m'embête, 6 mois de traitement, j'arrête. Il arrête et vous le perdez de vue. Donc ce malade a déjà pris 3 mois ou 2 mois. D'accord? Et il revient vous voir 6 mois après parce qu'il a recraché et que les BK sont positifs. Ce malade, vous ne le mettez jamais traité? Non, vous le mettez dans reprise évolutive. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est très important. Maintenant, il reste ce qu'on appelle les cas chroniques. Les cas chroniques, les cas irréguliers, itératifs, et les cas de TP-MDR prouvés. Là, c'est très spécialisé, ou bien pour les médecins qui vont travailler dans les DAT. Alors, un cas chronique, ce sont les échecs de la primo-traitement, c'est les échecs ou rechutes après traitement de deuxième ligne ou retraitement. Alors, vous allez voir, le malade qui reçoit le régime de première ligne, ce sont les malades qui n'ont jamais été traités. Ces malades, parmi eux, certains ne vont pas guérir. Ils vont passer au régime de deuxième ligne. Eh bien, toujours ces malades, s'ils ne guérissent pas avec le régime de deuxième ligne, c'est ce qu'on appelle les cas chroniques. Et parmi ces cas chroniques, qu'est-ce qu'on va découvrir? Les malades résistants, c'est ce qu'on appelle les MDR, ces multidrogues résistants. Et ce sont des malades qui ont une résistance au moins à la rifampicine et isoniazide, c'est-à-dire les drogues majeures. C'est ce qu'on appelle un multirésistant, un BK multirésistant, c'est la définition même. Est-ce que c'est clair? Et toutes ces rubriques, vous devez les mentionner clairement dans le registre que vous avez et que vous allez envoyer au ministère ou à l'INSP. Ainsi donc, avant de traiter le malade, avant de savoir quelle catégorie de quel régime vous allez administrer au malade, vous devez le classer dans une catégorie de traitement. Vous avez la catégorie 1, la catégorie 2, la catégorie 3 et la catégorie 4. Et c'est pour ça que vous devez avoir, j'ai commencé par le statut bactériologique et le statut particulier, est-ce qu'il a été traité, échec, rechute ou reprise évolutive. Ainsi, dans la catégorie 1, vous avez les nouveaux cas de tuberculose pulmonaire. C'est les malades jamais traités. Vous avez les TPM0 avec radioévocatrice et évolutive. Là, c'est les TPM1, on l'a vu, dans les TPM1, c'est des malades chez qui vous refaites deux séries de frottis à 15-21 jours d'intervalle avec deux radios, l'une au début et l'une au bout de la troisième, quatrième semaine. Si vous avez des lésions qui vont évoluer et les BK sont toujours négatifs, là, on est en droit de les mettre dans cette catégorie, vous allez les traiter. Et attention, ce sont surtout des malades qui sont qui ont des lésions quand même étendues et vraiment évocatrices de tuberculose. Parfois, vous avez plusieurs cavités, une lobite excavée, les BK sont négatifs. Le malade, certes, est en bon état général. J'ai le temps de refaire mes séries de BK et d'attendre 2 à 4 semaines, et les BK sont toujours négatifs. Là, j'ai le droit de mettre les malades sous traitement antituberculeux. C'est pour ça que je vous ai dit, là, ça dépendra du spécialiste. Et vous avez les cas aussi très sévères. Une milière, je vous ai dit, c'est une urgence médicale. Quand vous aurez suffisamment d'éléments de présomption et d'orientation, on est en droit de les mettre sous traitement, puisque la milière est possibacillaire et vous n'allez pas trouver de BK à la microscopie. Vous pourrez éventuellement avoir une culture positive, mais là, elle sera positive au 28e et 42e jour, et on ne peut pas attendre 42 jours pour traiter une milière. Ainsi donc, vous avez les TPM 0 avec radio évocatrice et évolutive. Vous avez vos radios évocatrices et évolutives également chez les immunodéprimés. Un diabétique, l'HIV, un cancer sous antimitotique, où on a des lésions évocatrices qui évoluent rapidement à la radio et les bêta sont négatifs. Bon, à ce moment-là, on est en droit aussi de les prendre, de les traiter, et ils seront considérés comme TPM0. Mais attention, les TPM0, on a très très peu, hein. C'est-à-dire, si vous déclarez beaucoup de TPM0 au ministère, on va se dire, oh là là là là, ce médecin, il ne sait pas bien faire son travail, puisqu'il est en train de traiter toutes les maladies. Peut-être qu'il a traité des dilatations de bronches, peut-être qu'il a traité un cancer. Hein, et puis après, vous allez voir, on met décédé. Décédé, peut-être que c'est son cancer qu'il a emporté. Ils n'ont pas une tuberculose puisqu'elle est négative. Est-ce que vous comprenez? Attention, maintenant la tuberculose est de plus en plus rare et de moins en moins fréquente. Et donc, il faut penser à d'autres pathologies. Là, je n'ai pas le temps de m'étaler, mais j'aurais pu vous montrer les statistiques concernant les différentes pathologies et vous allez voir que la tuberculose est de plus en plus rare. Mais malheureusement, elle est très mal diagnostiquée, surtout quand on va à l'intérieur du pays, mais même à Alger, hein. Le problème, c'est dans le diagnostic. Enfin, dans la catégorie 2, dans la 1, vous avez également les formes sévères de TP et de TEP, milière aiguë, méningite, tuberculose vertébrale, rénale et péricardique. Vous le savez, dans les PSF, les TEP, tuberculose extra-pulmonaire, vous avez des TEP sévères et des TEP simples. Les sévères engagent le pronostic vital ou fonctionnel et simples, ça n'engage rien du tout, c'est juste esthétique. Et dans les TEP sévères, vous avez la tuberculose extra-pulmonaire, l'atteinte des méninges, méningite. Vous avez la tuberculose vertébrale, c'est le mal de pote, et vous risquez une paraplégie, la tuberculose rénale, parce que vous risquez une insuffisance rénale par destruction du rein, une péricardite constrictive, complication d'un épanchement péricardique d'origine tuberculeuse. Donc, toutes ces localisations, vous devez les mettre dans la catégorie 1. Enfin, vous avez la primo-infection tuberculeuse patente avec adénopathie médiastinale et opacité pulmonaire que vous devez classer dans la catégorie 1. Vous avez les rechutes, échecs et reprise évolutive du primo-traitement, c'est-à-dire à la fin du premier traitement, si vous avez un échec, rechute, une reprise évolutive, ces malades seront classés dans la catégorie 2. La catégorie 3, ce sont des primo-infections tuberculeuses patentes avec adénopathie médiastinale ou hilaire sans atteinte parenchymateuse. Ici, il n'y a pas d'atteinte parenchymateuse et vous avez les tuberculoses extra-pulmonaires non sévères, simples, la peau, les muqueuses, un épanchement pleural isolé, une polycérite est considérée comme sévère. Vous devez la classer dans la catégorie 1. polysérite, c'est quand vous avez épanchement pleural, ascite. Si vous avez un cas clinique à l'examen et qu'on vous dit vous avez un épanchement pleural ascite et péricardique, c'est sévère, hein? Ne la classez pas dans 3 mais dans la 1 pour le traitement. Enfin, la catégorie 4, c'est les cas chroniques, c'est les échecs de la catégorie 2 et les malades qui ont l'amphibiogramme, c'est des multirésistants, on les met dans la catégorie 4. Ce qui, pour notre malade, on revient à notre malade, puisque vous avez vu, il a 2 frottis positifs avec une caverne. Lui, vous allez le classer comment ? D'abord, TPM+, hein, vous n'avez pas de C, c'est une TPM+, jamais traitée. Et à ce moment-là, vous devez le mettre dans quelle catégorie ? 1. Avant de commencer le traitement, qu'est-ce que vous faites ? Le poids du malade, la D. 3 et 4, c'est ce qu'on appelle le bilan pré-thérapeutique qui est systématique chez le malade. Et en plus, dans le bilan thérapeutique, vous devez faire un interrogatoire minutieux à la recherche de comorbidité, insuffisance rénale, insuffisance hépatique, psychopathie, parce que là également, ça va vous changer votre conduite thérapeutique. Vous avez des malades traités par d'autres médicaments, hypoglycémiens oraux, anticoagulants. Pourquoi ? Parce qu'il y a potentialisation de l'effet sur les médicaments antituberculeux. Vous devez peser votre malade, le traitement est donné en fonction du poids et bien sûr la chimie des urines qui est systématique. À ce moment-là, vous décidez de prescrire quel traitement ? Hein ? Le 3. Le poids, je vous l'ai donné au début. Quel médicament vous allez donner ? Hein ? Le 4. La D. Eh bien, vous allez me répondre lorsque vous saurez que la chimiothérapie, le traitement, les antituberculeux doivent guérir le malade, réduire la transmission du bacille dans l'entourage et prévenir l'apparition de la résistance du bacille aux antibiotiques. Guérir, bien sûr, c'est le but. Réduire la transmission, vous allez stériliser les réservoirs de BK, prévenir l'apparition de la résistance, comment ? En associant les différents médicaments, c'est pour ça qu'on donne une association. Alors les médicaments antituberculeux essentiels, vous pouvez avoir comme question de QCM, quels sont les médicaments essentiels ? C'est la rifampicine, isoniazide, pyrazinamide, streptomycine et ethambutol. Pourquoi le traitement, on le donne comment ? Le matin à jeun, une seule prise. Pourquoi une seule prise ? Parce que les BK se multiplient toutes les 20 heures, une seule fois. Alors, les antituberculeux, voici la posologie. On va pas s'étaler, 2h30, j'ai très peu de temps. Docteur Awamer, elle est là ? Non. Donc je peux continuer. Rapidement, parce que honnêtement, à partir de là, beaucoup de questions d'examen. Vous devez apprendre. Alors, pour l'isoniazide, on donne 5 mg kilo jour, 10 pour clarithromycine, 25 pyrazinamide, 15 pour l'astrecto et 15 pour l'étambutol. Je vais insister pour tout ce qui vous concerne, hein. Surtout pour votre examen. Alors, on donne en milligrammes par kilo, vous prenez, oubliez la colonne 3 jours sur 7. Le traitement intermittent, ce n'est pas pour vous. C'est quotidien, 7 jours sur 7. Vous devez apprendre surtout les doses, la limite inférieure. Parce que si vous avez des effets secondaires, on vous les donne, vous serez obligé de calculer vous-même les doses à donner à votre malade. Et là, vous devez connaître que l'isoniazid, la dose minimale à donner est de 4 mg kilo jour. Pour la rifampicine, elle est de 8 mg jour. Pour les malades, pour les praticiens, vous devez tous les connaître par cœur. Parce que vous allez avoir affaire aux malades. Et malheureusement, c'est à cause des gens qui ne connaissent pas les médicaments, les posologies, les effets secondaires, qu'on a eu des catastrophes où les malades on a laissé le traitement et c'est des médecins qui ont laissé et malheureusement, les malades sont décédés. Et puis après, bon, il y a eu des enquêtes, etc. Et c'était les traitements parce que ça n'a pas été contrôlé et vérifié les posologies. Donc, vous devez les connaître par cœur. Mais pour votre examen, comme vous avez beaucoup de choses à apprendre, vous devez l'isoniazid 4 mg kilo, la rifampicine 8 mg kilo, dose minimale. Par contre, si on doit donner la dose totale, c'est 5 et 10 mg. Est-ce que c'est clair? Alors, à ce moment-là, vous avez différentes associations. On a des associations en proportion fixe. On peut avoir des comprimés d'isoniazid et rifampicine. Je ne pense pas, vous n'aurez pas, si vous n'avez pas fait la tuberculose chez l'enfant, vous n'aurez pas des questions, donc les doses chez l'enfant. Et les pneumos, généralement, ils posent des questions uniquement chez l'adulte. Alors, vous avez l'isoniazid et rifampicine, 75 plus 100 mg pour l'adulte. Mais bon, hein, je ne sais pas. Il est bon quand même de connaître les doses chez l'enfant, sait-on jamais. L'isoniazid, rifampicine et pyrazinamide, une association de trois comprimés. L'isoniazid, rifampicine, pyrazinamide, étambutol. Dans un comprimé, vous avez les quatre drogues associées. Les médicaments de seconde intention, là je vais rapidement, c'est plus pour la spécialité. Oui, monsieur? La première? Oui? Ah, d'accord. Vous avez les médicaments de seconde intention. Vous allez les voir où est-ce qu'on va les utiliser, mais vous n'avez pas besoin. Il me semble, les objectifs ne demandent pas ce que vous connaissiez les doses, etc. Vous allez plus perdre votre temps. Mais sachez que les médicaments de seconde intention, c'est l'éthionamide, canamycine, ofloxacine et cyclosérine. Alors, les médicaments antituberculeux, on les appelle de réserve parce que ce sont ces médicaments qu'on va utiliser pour les multirésistants. Cyclo, éthionamide, cana, ofloxacine. Ah, ça, c'est les dénominations. Par contre, ça, vous devez les connaître si on vous donne des régimes. Vous ne saurez pas très bien ce que c'est. C'est la cyclosérine. ET, c'est l'éthionamide. K, c'est canamycine. O, c'est l'ofloxacine, qui sont des médicaments de réserve. c'est-à-dire réservé à la catégorie 4. Enfin, quel régime je dois donner ? Mon malade, je l'ai mis dans une catégorie et à quoi correspondent ces catégories ? Là, c'est un rappel de la catégorie 1. Donc, les régimes standardisés de la catégorie 1, c'est le régime de première ligne qui est composé de d'isoniazid, rifampicine, ethambutol, pyrazinamide pendant 2 mois, suivi de 4 mois, isoniazid, rifampicine. C'est 2-RHEZ-4-RH. Donc 6 mois de traitement. C'est le régime de première ligne pour la catégorie 1 de malades. C'est les malades jamais traités, nouveaux cas, plus les autres dont on a parlé tout à l'heure. Les malades qui vont recevoir toujours un régime de première ligne, mais 3 drogues. C'est également les malades de la catégorie 3. C'est des malades qui vont recevoir un régime de 6 mois, mais 3 drogues. 2-RHZ-4-RH, c'est-à-dire isoniazid, rifampicine, pyrazinamide. Et ce régime s'applique à la primo-infection patente aux formes moins sévères de TEP, c'est-à-dire ganglionnaire, pleural, péritonéale, génitale, viscérale ou cutanéo-muqueuse. D'accord ? C'est RHZ-RH. Vous avez dit péritonéale et jamais. Ah voilà, c'est exactement ce que je n'ai pas dit. J'ai dit les polysérites. Les polysérites. C'est-à-dire une association poly. Quand j'ai une ascite plus un épanchement pleural, surtout quand c'est bilatéral, là, vous les mettez dans la catégorie 1. Mais quand c'est une ascite isolée, un épanchement pleural isolé, alors là, c'est un malade qui va recevoir le traitement de la catégorie 3, c'est-à-dire 6 mois RHZ-RH. Attention, dans la catégorie 1, c'est les formes sévères. Or, un épanchement pleural, bon, il n'y a rien de sévère. Quand il est unilatéral, hein, c'est clair. Le régime de deuxième ligne, c'est ce qu'on appelle le régime de retraitement. Ce régime, c'est un régime de 8 mois avec 2 mois, 5 drogues, c'est-à-dire vous allez rajouter de la streptomycine en intramusculaire tous les jours pendant 2 mois. C'est RHZES. À la fin du deuxième mois, on enlève la streptomycine, on l'arrête et on continue pendant 1 mois avec RHEZ. Donc la phase d'attaque dans le régime de retraitement, c'est 3 mois. Et le malade va continuer avec une phase d'entretien de 5 mois à base de RHE. 5 mois RHE. Je pense que dans le régime de retraitement, si vous avez retenu tout ça, c'est largement suffisant avec ces indications, les indications du régime de retraitement. Enfin, les régimes standardisés de la catégorie 4, c'est les malades, les cas chroniques et les MDR, les multirésistants, c'est des malades qui vont recevoir 3 mois de phase d'attaque, de 3 à 4 mois en réalité. C'est des traitements très longs qui durent 18, 21, voire plus comme traitement. Ils reçoivent de l'éthionamide ofloxacine, canamycine, pyrazinamide, cyclozérine et la phase d'entretien, éthionamide, ofloxacine, canamycine et cyclozérine. Alors là également, je vous le donne, mais on ne vous demandera pas pour vous les schémas pour la catégorie 4. Voilà, alors on revient à notre malade. Vous l'avez mis sous quel traitement? Catégorie 1 et jamais traité, donc il reçoit 6 mois de RHEZ. 2 mois de RHEZ et 4 mois de RH. Vous lui donnez combien de comprimés? Vous avez les doses. Vous avez, alors, pour gagner du temps, vous devez regarder les tableaux où on vous a calculé en fonction du poids. Essayez de mémoriser les poids les plus communs, 65, les tranches de poids, et vous avez tout de suite, vous n'avez pas besoin de les calculer. Je vous donnerai la référence tout à l'heure. Donc ce malade, il reçoit 3 comprimés de RHZ. E, 4 RH. Au bout de 15 jours de traitement, le malade présente un ictère cutané au muqueux. Qu'est-ce que vous faites? Effet secondaire majeur du traitement. À ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? On arrête le traitement, pas définitivement. Alors, on arrête le traitement antituberculeux, on diminue les doses des différents antituberculeux, on demande les transaminases, on continue le traitement antituberculeux, on fait une sérologie hépatique. Là, dans la majorité des propositions, c'est juste. Mais, bien sûr, la plus juste, c'est la A, c'est arrêter le traitement antituberculeux et faire un bilan hépatique. Rapidement, les effets secondaires, on les rappelle, majeurs et mineurs. Dans les effets secondaires majeurs, on a commencé par les mineurs. L'isoniazide, ah oui, l'euphorie et l'insomnie. Vous avez tendance à les oublier, mais c'est des questions, dans certaines questions, vous pouvez les retrouver. L'insomnie, l'euphorie, c'est l'isoniazide qui est responsable de ces effets mineurs. À ce moment-là, généralement, c'est la période où on a des effets mineurs de l'isoniazide. Pourquoi? C'est très fréquent actuellement. Vérifier la posologie et la prise matinale. Parce que les malades nous viennent et nous disent « Ah, moi je fais carême. » Et je prends le médicament le soir. Pour lui, dans sa tête, il ne comprend pas. C'est la même chose si je le prends le matin à jeun et je mange. Eh bien, le soir, je le prends et je mange. Sauf que dans le nictémère, l'isoniazide peut être responsable d'effets secondaires à type d'insomnie. Et donc, quand il prendra son médicament, il ne dormira pas. Et ils viennent se plaindre du fait qu'il y a un trouble. Donc, faites attention, c'est l'isoniazide. Et à ce moment-là, dès que le malade reprend la prise matinale, ça va mieux. Rifampicine, trouble digestif à type de douleur abdominale, nausée, vomissement. Quand c'est des effets juste très minimes, ça ne prête. Vous pouvez donner un traitement symptomatique, un antiémétique. Mais attention, là je tire la sonnette d'alarme. Si un malade fait des troubles digestifs à type de vomissement, vous le mettez sous traitement symptomatique, ça ne rentre pas dans l'ordre, il continue à vomir, là, arrêtez-vous et faites un bilan hépatique. Parce qu'une hépatite médicamenteuse peut commencer par des signes digestifs. Et n'attendez pas l'apparition de l'ictère ou des transaminases amyl pour demander le bilan hépatique. Est-ce que c'est clair? Donc, dans un premier temps, des petites nausées, vomissements, ça peut être un effet secondaire mineur de la rifampicine et mettre sous traitement symptomatique. La streptomycine, avant, vous voyez, c'est la constriction de la face. Maintenant, nausées, vertiges, mais comme la strepto est passée dans le régime de seconde ligne, vous ne verrez pas souvent ça. Mais ces effets secondaires mineurs, on diminue la dose de la streptomycine et on associe un traitement symptomatique. Pyrazinamide est responsable d'effets secondaires d'arthralgie et d'anorexie. Douleurs articulaires multiples, si le malade se plaint de douleurs articulaires, on continue le traitement et on associe un traitement symptomatique, l'acétyl salicylique. C'est l'aspirine à raison d'un gramme et demi d'aspirine, un gramme et demi, et ça va rentrer dans l'ordre. L'étambutol, nausée, traitement symptomatique. À savoir également que la rifampicine colore en rouge les urines et les sécrétions, notamment les larmes. C'est un effet normal, un effet secondaire de la rifampicine et on ne doit pas arrêter le traitement. Les effets secondaires majeurs, vous avez l'hypersensibilité généralisée, une urticaire généralisée avec un prurit, vous devez arrêter le traitement et vous hospitalisez le malade. Tous les antituberculeux peuvent être responsables. On hospitalise le malade et une fois que l'urticaire, surtout si le malade se plaint, alors dès la première prise de fourmillement au niveau des lèvres, au niveau de la gorge ou un gonflement œdème de cuivre, vous arrêtez le traitement. Vous hospitalisez le malade et on essaye d'identifier quel est l'antituberculeux en cause. On réintroduit un par un les médicaments. Ce n'est plus un comprimé qui comprend tous les médicaments, mais on va introduire l'isoniazide à un sixième. Bon, il y a des protocoles. S'il n'y a pas de réaction, on rajoute la rifampicine. S'il n'y a pas de réaction, on teste un par un tous les médicaments jusqu'à ce que la réaction apparaisse et on élimine définitivement le médicament en cause. Le purpura, l'anémie hémolytique, c'est la rifampicine et streptomycine. Si on a une anémie hémolytique, arrêt définitif de la rifampicine. Si vous avez une hépatite avec ictère, l'isoniazide peut être responsable, le pyrazinamide peut être responsable et la rifampicine peut être responsable. Les trois sont hépatotoxiques, mais le pyrazinamide est hépatotoxique à de fortes doses. Or, ce qu'on donne, ce ne sont pas des fortes doses. Et c'est pour ça que les plus fréquemment incriminés chez nos malades, l'isoniazide et rifampicine. Et à ce moment-là, c'est surtout l'isoniazide, mais surtout l'association rifampicine et isoniazide qui sont très hépatotoxiques. En cas d'hépatite avec ictère, arrêt du traitement, on demande un bilan hépatique, transaminase, SGOT, SGPT et le TP. Lorsqu'il y aura normalisation du bilan hépatique, disparition de l'ictère, donc sur le plan clinique et biologique, on réintroduit l'isoniazide et la rifampicine à dose minimale. Tout à l'heure, je vous ai donné les doses minimales. Vous calculez en fonction des doses minimales et vous réintroduisez le traitement normalement, c'est-à-dire RHZ, RHEZ, RH, mais avec dose minimale. Est-ce que c'est clair? Lorsque vous réintroduisez, si le, généralement dans la majorité des cas ça marche, si l'ictère réapparaît et les transaminases augmentent, vous arrêtez et on explore le malade. Sérologie hépatique, fibroscopie, échographie abdominale et on peut aller jusqu'à la biopsie hépatique. Est-ce que c'est clair? Et si l'un des deux est fortement incriminé, l'isoniazid ou rifampicine, on peut l'arrêter. Les antituberculeux, les effets secondaires majeurs de la streptomycine, c'est la surdité, trouble vestibulaire, arrêt total et définitif du médicament. L'isoniazide, ne pas oublier, ça c'est important. Polynévrite, épilepsie, c'est les effets secondaires de l'isoniazide. À ce moment-là, on associe, si on a une polynévrite, à de la pyridoxine et pour les épilepsies, on contrôle rigoureusement les doses de l'isoniazide. En ce qui concerne l'étambutol, l'effet secondaire, c'est la névrite optique. À ce moment-là, si on a des troubles visuels, le malade doit être vu immédiatement en ophtalmo. Vous arrêtez le traitement, il doit être vu en ophtalmo. L'arrêt est définitif en cas de névrite optique. S'il y a des troubles oculaires, on l'envoie chez l'ophtalmo. Quand on a une névrite optique, elle est réversible lorsqu'on arrête le traitement. Mais si vous n'arrêtez pas, elle peut être définitive. Et c'est la cécité. Hein. La contraception, vous devez à tout prix changer de contraception chez la femme. Puisque ça potentialise, les antituberculeux potentialisent l'action des œstroprogestatifs. Donc, changer de vous pouvez proposer un dispositif intra-utérin. Sinon, elle peut faire une grossesse, malgré les contraceptifs. La streptomycine est ototoxique chez le fœtus, à ne pas donner chez la femme enceinte. Ou qui allaitent. Allaitement, traitement complet, chimiothérapie, prophylaxie de 6 mois chez les nourrissons et mères tuberculeuses. L'allaitement n'est pas contre-indiqué chez une femme qui accouche et qui est sous traitement antituberculeux. Bon, les cas particuliers, je ne sais pas, je crois qu'on va passer. En cas d'insuffisance hépatique, le pyrazinamide est contre-indiqué. On donne des régimes sans pyrazinamide. En cas d'insuffisance rénale, la streptomycine et l'étambutol sont contre-indiqués. Régime particulier à prescrire. Ce que vous devez savoir, qu'il y a une interférence entre la rifampicine et l'ensemble des antirétroviraux si vous avez l'HIV chez un malade qui présente une co-infection par l'HIV. Enfin, la dernière question, les personnes en contact avec le malade sont la mère, âgée de 75 ans, l'épouse âgée de 35 ans et l'enfant âgé de 6 ans. Le dépistage familial doit comprendre, en plus de l'examen clinique, ça c'est une question classique. IDR à la tuberculine à tous les sujets contacts. tubage gastrique pour l'enfant, radiographie thoracique à tous les membres de la famille, recherche de BECA dans les crachats pour les adultes, IDR à la tuberculine chez l'enfant. Alors, qu'est-ce que vous faites en cas de dépistage? Radiographie? Non. A, B, C, D ou E? E. Radiographie thoracique à tous les membres de la famille, IDR à la tuberculine chez l'enfant. Oui. D. La D, c'est 4. Recherche de BK dans les crachats à tous les membres de la famille, IDR à la tuberculine. Examen complémentaire de dépistage chez l'enfant. Là, juste, bien sûr, on va y revenir. Hein. Alors, un malade chez les sujets contacts, tous les adultes qui ont un contact très proche, c'est-à-dire qui vivent avec le réservoir, qui travaillent, mais de façon continue et prolongée avec le réservoir, c'est ce qu'on appelle la source. À ce moment-là, ces malades, vous devez leur faire une radiographie thoracique systématique. Les autres sujets éloignés, là, vous ne faites une radiographie qu'en cas de symptômes. Maintenant, si à la radiographie des sujets contacts, vous avez trouvé des lésions pulmonaires, à ce moment-là, vous faites la recherche de BECA dans les crachats. Mais on ne fait pas de recherche dans les crachats à tous les membres de la famille. C'est une radiographie du thorax qu'il faut faire au sujet, au contact de la source du malade. Les adultes, quant à l'enfant, vous devez faire une IDR, une intradermoréaction à la tuberculine. Oui. Pardon. Vous allez voir pourquoi. L'IDR, c'est à cause de la primo-infection. Hein. Je reprends mon souffle. Je vais vous expliquer en détail. L'examen complémentaire de dépistage chez l'enfant, radiographie du thorax de face, IDR à la tuberculine. On lui a fait son IDR, votre enfant, il est à 22. Oui, elle est positive. Avec présence d'une cicatrice vaccinale. Ça veut dire qu'il est vacciné. Alors, qu'est-ce que vous faites? La réponse. Et c'est comme ça que vous perdez des points. Vous avez perdu des points au début. Il y avait 2 points que vous avez perdus pour le QCM. Vous avez perdu celui du dépistage. Et je sais qu'ici, vous allez perdre des points. 4 points, c'est énorme pour un concours. Hein? Un demi-point, c'est important pour un concours. D'accord? Alors ici, la réponse. Là, la D, la E, la B. Encore une fois, vous avez tous perdu un point. Alors là, ce tableau, c'est vrai qu'il y a des choses, je vous ai dit, vous passez, c'est pas pour vous, mais ça, c'est pour vous. À apprendre ce tableau, si jamais vous avez un cas de tuberculose, dans 80% des cas, vous aurez une question qui se rapporte au dépistage. Le dépistage, bilan complet, vous devez examiner votre malade, faire une radiographie du thorax, et il y a l'IDR. L'IDR, c'est pas pour les sujets âgés, d'accord? Pour les adultes, c'est pour l'enfant. Le sujet âgé, c'est la radiographie, l'examen physique qui sera même normal, c'est la radiographie du thorax. Donc, là, vous avez, s'il y a des images radiologiques, vous recherchez des BK. Et si les BK sont positifs, vous traitez. Si la radiographie est normale, chez un sujet contact, vous lui dites s'il y a apparition de signes cliniques, vous devez revenir et refaire une radio. C'est clair pour ça. Maintenant, chez l'enfant. Chez l'enfant, c'est différent. Il y a un enfant qui présente des symptômes. Là, on fait une radiographie, c'est certain. Et vous avez un enfant qui est à part. Et si vous avez une image radiologique chez un enfant qui a des symptômes, bien sûr, vous l'hospitalisez pour l'étuvage. Et si c'est positif, on traite. Vous avez vu les catégories de traitement. Maintenant, le problème qui se pose chez un enfant qui est apparemment sain et qui vit au contact du tuberculeux. À ce moment-là, vous allez regarder si le statut vaccinal, est-ce qu'il est vacciné, oui ou non. Si l'enfant n'est pas vacciné, la majorité des malades sont vaccinés. D'accord, je crois qu'on va commencer par les malades qui sont vaccinés. C'est le plus gros des enfants que nous avons, puisque la vaccination est à la naissance. Si l'enfant est vacciné, à ce moment-là, vous devez tenir compte de l'intradermo-réaction à la tuberculose. Mais à ce moment-là, quand un enfant est vacciné, l'IDR, elle est comment ? Elle est positive. D'accord ? Un sujet qui a... Pardon ? Ah, là, on va revenir à la primo-infection. La primo-infection, un enfant qui est vacciné va développer une immunité. Le corps va reconnaître le BK et donc il va développer, il y a des antigènes dans le sang et l'IDR sera positive. Elle est positive, on la considère inférieure à 10, elle est normale. D'accord ? Jusqu'à 10. Mais ça, c'est un enfant vacciné. Donc, si votre enfant est vacciné, on doit tenir compte d'une IDR à 10. Mais je vous ai dit à 10, elle est pratiquement normale. Alors, si je fais une IDR à mon mal à l'enfant et j'ai une rougeur, est-ce que je vais dire qu'il est malade ? Non. Eh bien, pour un enfant au contact du tuberculeux, je dois tenir compte d'une IDR supérieure à 15. Si elle est supérieure à 15, cela veut dire qu'il y a des chances que mon malade ait une tuberculose. Est-ce que vous comprenez ? Là, c'est possible. À ce moment-là, voilà, j'ai un enfant qui est vacciné au contact du tuberculeux, il a une IDR à 15. À ce moment-là, je regarde l'âge. Si mon enfant a moins de 5 ans et qu'il a une IDR supérieure ou égale à 15 mm, à ce moment-là, je le mets sous chioprophylaxie. Je lui donne de l'INH pendant 6 mois. Si mon malade a une IDR supérieure à 15, supérieure ou égale, et qu'il a entre 5 et 14 ans, à ce moment-là, il a 15 je cherche, je fais un examen soigneux de mon malade. Peut-être qu'il a même un ganglion, ou bien j'examine les aires ganglionnaires. Je fais une radio. Je cherche s'il n'y a pas des opacités hilaires, s'il a des ganglions médiastinaux. Si l'image thoracique est normale, s'il n'y a pas de symptômes, à ce moment-là, je surveille mon malade, mon enfant. Mais je ne traite pas. Est-ce que vous avez compris? Et vous dites à la maman que s'il commence à tousser, s'il a de la fièvre, vous me le ramenez. Parce qu'attention, il aura une IDR supérieure à 15. Maintenant, chez un enfant qui n'a jamais été vacciné ou qui n'a pas de cicatrice vaccinale, cela veut dire que peut-être qu'il n'a jamais été au contact du Béca. À ce moment-là, je prends en considération une IDR à 10. Si mon IDR est à 10 mm, là, ça devient assez dangereux pour mon enfant. Là également, je regarde l'âge. Si mon enfant qui est au contact, qui a une grand-mère qui est traitée pour tuberculeuse, je lui fais une IDR, elle est à 10 mm. Si mon enfant a entre 5 et 14 ans, je l'examine, je lui fais une IDR, elle est à 10, je fais une radio, elle est normale, je dis à la maman, votre enfant, il n'a rien, mais s'il a des symptômes, vous me le ramenez et je le revois. Parce que possible qu'il peut développer une tuberculose. Mais si mon enfant qui a moins de 5 ans a une IDR positive, là, c'est pas la peine de vous casser la tête. Un enfant moins de 5 ans qui est au contact avec un tuberculeux, un grand-père, une grand-mère ou le père, qui a une tuberculose IDR positive, je mets une chimioprophylaxie et qui n'a pas de vaccin. Est-ce que c'est clair? Là, il faut avoir, et si mon enfant qui n'a pas de BCG, qui a une IDR inférieure à 10, c'est-à-dire négatif, je revaccine mon enfant. Ou je le vaccine. Oui. Comment ça? Alors, maintenant, c'est à vous. C'est assez. Bien sûr. Eh bien, vous avez bien compris. La réponse était... Voilà. Où est-ce qu'il est, le jeune homme? Alors, c'est bon. Pas de questions. Pour la tuberculose pulmonaire, pas de questions, c'est bon. Alors, vous avez le guide sur le programme national de lutte anti-tuberculeuse. Vous devez apprendre sérieusement, connaître les doses minimales, les effets secondaires, vous devez les connaître. Les questions vont se rapporter à ça. Si ceux qui ont assisté au cours, j'ai fait une révision globale des éléments que vous risquez d'avoir. Quant au tableau, pour le nombre de comprimés à donner, vous pouvez le retrouver et tout ce que j'ai raconté sur le guide de la lutte anti-tuberculeuse, c'est le guide bleu, sur Internet. Vous rentrez dans le ministère de la Santé, c'est le ministère de la Santé, dans la rubrique « Prévention », lutte anti-tuberculeuse, vous allez avoir manuel de lutte anti-tuberculeuse 2011. Vous avez tout, même l'organigramme du dépistage. Les critères de guérison d'une TPM+. Les critères de guérison, c'est d'avoir des BK négatifs deux échéances successives à la fin du traitement, c'est-à-dire au cinquième et sixième mois du traitement, les cas doivent être négatifs. Concernant les définitions guérison, traitement achevé, taux de succès, vous les avez également dans le guide de lutte anti-tuberculeuse. Voilà.